Chapitre 5e. On était enfin devant l'habitation, grande bâtisse à deux étages, située au milieu d'une pelouse circulaire et d'un jardin que bordait la forêt. Un grand air de simplicité, beaucoup de place et la solitude absolue, telle était la maison où l'oncle Joachim engageait Miss Estcourt à fixer sa demeure. Au bruit de la voiture s'arrêtant à la porte, une servante assez mal équipée, en savate, bras nus et pas de bonnet, se précipite au-devant des voyageuses, s'empare des sacs et couvertures. En même temps, une épaisse matrone enrubannée, paraissant en haut du perron, commence à exécuter les révérences qui paraissent de rigueur en ce pays. « Je n'ai jamais vu tant de salamalecs en toute ma vie, » observe Suzy, qui met pied à terre à moitié congelée. « Quand donc ces gens-là auront-ils fini leur gratte-pied ?»« Ah !» avec hauteur. « Bonjour, bonjour !»« Un nain ? Cette personne me prend évidemment pour vous. » Et me menace d'un speech aussi bien que d'une poignée de main. Veuillez, s'il vous plaît, vous charger de l'un et de l'autre. Frau Delwig, annonce le régisseur, puis, désignant Miss Estcourt, voici notre nouvelle maîtresse. Et Madame Delwig transfère à qui de droit des discours et des shake-hands qu'Anna accepte avec sa grâce habituelle, tout en se disant que jamais elle n'aurait cru qu'une femme pût arriver à ce degré d'embonpoint si ses yeux ne venaient tout récemment de s'arrêter sur les formes opulentes de la pastorine. Tous les rites accomplis, on franchit l'entrée décorée, en signe de bienvenue, de guirlandes de verdure qui répandent une odeur plus forte qu'agréable, et l'on se trouve dans le vestibule, vaste salle sombre et glacée, sans tapis et sans feu, où l'on voit pour tout ornement quelques trophées de chasse rongés par la poussière et le waterproof de l'oncle Joachim qui pend, monumental, au porte-manteau, surmonté de sa casquette. Les frissons de Suzy redoublent, et plus amèrement que jamais, elle regrette de s'être aventurée dans ces régions barbares. Ah, l'horrible pays, l'horrible maison, les horribles gens, l'horrible froid, et que la pensée Hilton, grand Dieu ! Allons, d'autres révérences, Anna ! Crie la voyageuse irritée. Venez ici, demeurez près de moi ! Quelle est cette femme encore qui me baise la main et qui me dit des choses incompréhensibles ? C'est la cuisinière. Elle vous souhaite la bienvenue, Suzy, c'est l'usage ici. Sot usage, qu'elle nous donne plutôt quelque chose à manger, je tombe d'inanition. Et renvoyez-moi de grâce ces gens-là, ajoute Suzy, regardant d'un œil hostile les deux Delwig qui, rivalisant deux ailes, ne quittent pas d'une semelle leur nouvelle patronne et parlent tous les deux à la fois avec un bruit épouvantable. Mais comment faire ? Dit Anna, qui ne serait pas fâchée elle non plus de les voir disparaître. Comment faire ? Répéta Suzy, élevant ses noirs sourcils. Ce sont vos domestiques, j'imagine. Non, pas exactement. Je serais plutôt porté à croire que l'homme a l'intention d'être ici le maître. Murmura Anna avec un léger rire. « Raison de plus pour le mettre à la porte rondement ?» affirme Saisie sans baisser le ton. « Dites-le au moins que nous avons froid, que nous avons faim » poursuit-elle, rageuse. « Cela, vous pouvez, j'espère, le leur faire entendre sans les froisser. » Anna fait appel à son Allemand qui, par malchance, paraît l'avoir plus ou moins déserté depuis qu'elle a mis le pied sur le sol germanique, explique les vœux de Suzy et le couple Delwig, qui avait écouté d'un air soupçonneux le colloque, sera sereine. Le repas va être servi à l'instant, dit la femme, se précipitant vers la cuisine. Bitte, bitte, fait l'homme, reprenant le cours de ses révérences et introduisant les dames dans la salle à manger avec des airs de propriétaire. Est-ce que cet individu habite la maison ? Demande Suzy, le regardant de travers. Non, il me dit qu'il habite la ferme. Qu'il y retourne alors, je trouve qu'on l'a assez vu. Bon, le voilà qui offre de nous débarrasser de nos fourrures. Ah, ben, quel pays, quels gens ! Répète Lady Estcourt, repoussant rudement les officieuses politesses du régisseur. Enfin, Delwig demande la permission de se retirer, et déjà Anna respire lorsqu'elle entend annoncer qu'il reviendra tout à l'heure pour lui soumettre divers plans. « Que dit-il ? » demanda Suzy par-dessus l'épaule. « Qu'il reviendra ce soir. » « Anna, notez bien mes paroles, cet homme-là va être un crampon. »« Je le crains, » dit Anna, réchauffant près du poêle ses mains blanches. « Un crampon ?» poursuit Suzy. Et j'ajoute un crampon malhonnête. Il a la fraude dans les yeux. Il va chercher à vous détrousser. Croyez-vous ? Qui puis-je ? Il ne me détrousserait pas, moi ! Fait Suzy avec énergie. Mais pourtant, oncle Joachim a dû le trouver fidèle puisqu'il le recommande. Oui, oui, avec un homme qui voyait clair, il a jugé bon, sans doute, de marcher droit. Mais quand vous tirerez 50 000 francs de Kleinwald, venez me le dire, vous m'étonnerez fort. Quels que fussent ses défauts, Suzy montrait en affaire le plus invariable bon sens. Elle ne venait pas pour rien d'une race chez qui la question d'intérêt primait toutes les autres, et si cette circonstance n'ajoutait aucun charme à son commerce, elle donnait du poids à son opinion. Anna demeura songeuse. Cependant, le repas si grandement désiré se dessinait enfin. La servante, toujours mal peignée et en savate, mais ornée d'une paire de gants de fil blanc, entre dans la soupière, la dépose sur la table, flanquée d'une pile d'assiettes, et murmurant quelques mots incompréhensibles, se retire, laissant ces dames se tirer d'affaire comme elles peuvent. Après un temps, elle reparaît avec un autre plat, et empilant dans ses bras, en pyramide chancelante, toute la vaisselle qui a servi disparaît comme précédemment. Le service est conduit jusqu'au bout sur ce plan. C'est d'ailleurs un repas bizarre qui débute avec l'inévitable chocolat froid couronné de crème fouettée, plat fondamental en ce pays. « Qu'est-ce à dire ?» s'écrie Suzy, repoussant son assiette, profondément déçue après la première cuillerée. « Est-ce là ce qu'ils appellent un potage ? Pas même une soupe bien chaude après cet épouvantable trajet ? J'en tomberai malade, la chose est sûre. » « Et ma pauvre Hilton, si délicate, si sensitive, que devient-elle ? Que lui a-t-on donné pour la réconforter ? Et que doit-elle penser, juste ciel ?» Bien, elle pouvait se le demander. Hilton, voituré par son drosjke du côté opposé de la maison et laissé à la porte de derrière, est en ce moment occupé auprès du feu de la cuisine à rédiger un discours à l'emporte-pièce comportant sa démission qu'elle se dispose à jeter au nez de sa maîtresse aussitôt qu'elle pourra l'apercevoir. Après le potage, laissé intact partout, sauf Letty, qui avec l'appétit de 14 ans a le front d'en redemander, le poisson paraît, viande amorphe et insipide, pourvu d'un nombre incalculable d'arêtes. Puis vient le plat de résistance, des côtelettes de porc présentées avec une certaine solennité. Un pudding rosâtre et gélatineux, répandant une forte odeur de pharmacie, ferme la marche. Suzy se lève de table, tout à fait démoralisée. « Je n'ai plus rien mangé, pas une bouchée, et quel service ! Des cuillères à café pour l'entremets, la même fourchette tout au long de ce banquet, Anna ! Nous ne pourrons pas demeurer un jour de plus dans ce sale trou !» gémit-elle, perdant toute élégance de langage sous l'empire des horreurs de la faim. Là, qu'est-ce que je vous disais ? Télégraphie de loin à son institutrice, Letty triomphante. Sale trou, l'a-t-elle dit ? Peut-être le dîner sera-t-il meilleur ? Suggère Anna, ignorant qu'elle vient justement de dîner. Oh, Suzy, un mauvais repas est si vite oublié, et je suis heureuse, heureuse malgré tout de me voir ici. « Moi aussi !» crie Letty qui ne se tient pas de joie, sautant, cabriolant, de façon à surprendre sa mère, qui la connaît uniquement sous les traits d'une enfant boudeuse, désobéissante et ingouvernable. « Oh, j'aime cette maison, j'aime ce pays, tout y est au revers de ce qu'on connaît. Même le dîner qui a l'air de commencer à l'autre bout !» continue la petite fille extasiée. « Oh, tante Anna, je vous en prie, allons faire un voyage de découverte. Je meurs d'envie de voir le jardin, les écuries, la ferme, la forêt. Commençons par la maison !» dit Anna. Et revêtant leur fourrure, toutes deux se mettent gaiement en route, tandis que Suzy, avec une soudaine exclamation de détresse, quitte la salle à manger pour se mettre en quête de sa chère Hilton. Tumultueuse fut l'explication, plate et humiliée les excuses de la dame, hautaine et inexorable les exigences de la camériste. Cependant, on en vint à un compromis, car Hilton, après tout, connaissait son intérêt, et dans toute sa carrière ancillaire, elle n'avait certainement rencontré personne qui eût pour elle d'aussi surprenante faiblesse que cette maîtresse, rude et âpre, pour tout le reste du monde. Tandis qu'elle s'expliquait ainsi, et que Miss Leach s'installait dans sa chambre, non sans sursauter un peu au bruit insolite entendu derrière les vieilles boiseries, Anna et Letty exploraient tous les recoins de la maison. Letty, charmée de la nouveauté des choses, Anna, plus charmée encore, le cœur rempli de fierté et de bonheur, à la pensée que cette demeure était sienne. Ce mot magique ne cessait de résonner à ses oreilles, prêtant aux chambres froides et laides, aux meubles démodés, aux plus mesquins ornements notés au passage, un prix infiniment supérieur à leur valeur réelle. C'est au milieu de ces heureuses impressions que vint la trouver un message du régisseur. « Herr Delvig est en bas, » annonça la chambrière mal peignée, il demande s'il serait agréable à la gracieuse demoiselle de s'entretenir avec lui des affaires du domaine. Rien n'eût pu en ce moment être moins agréable à la gracieuse demoiselle. Mais Anna était une nature essentiellement charitable, qui toujours évitait d'instinct de peiner ou de froisser quiconque et devait par conséquent être la proie naturelle des fâcheux. Remettant donc à plus tard la suite de cette prise de possession pour elle si pleine de bonheur, elle alla au-devant de l'important. l'accueillit avec bonté, ne refusant pas la main qu'il lui tendait, quoique cette cérémonie eût été déjà accomplie deux fois dans la journée. Et ayant pénétré dans la pièce qui avait été le cabinet d'affaires de l'oncle Joachim, se disposa à prêter une oreille attentive à la voix ingrate de son régisseur. Mais c'était là une résolution plus facile à prendre qu'à tenir. Le flot intarissable de paroles qu'elle entendait la fatigua bientôt au point de rendre toute attention impossible. « Je ne sais rien, absolument rien des choses d'agriculture, » dit-elle avec douceur lorsque le bavard dut s'arrêter pour souffler. « Sans doute, je comprendrai mieux quand j'aurai visité les divers champs que vous énumérez. » « Naturlich, naturlich, naturellement, » accorde Delbig, supérieur. « Mais voici un plan de la propriété, et si la gracieuse Miss le permet. » Il sort de sa poche une carte, la déploie, et d'un doigt inexorable indique les moindres divisions, tandis que sa voix bourdonnante reprend la suite du rapport. « Quelle est cette propriété voisine de la mienne ?» demande Anna, qui s'ennuie profondément. « C'est celle de Monsieur de l'Homme. Ne l'ai-je pas traversée aujourd'hui ?»« Précisément. » Le pasteur Manske, un digne homme, mais comme tous ses pareils, un peu trop porté à se pousser du col, Hermanske dessert l'église de l'homme et celle du village dont la gracieuse Miss est patronne. Herr von l'homme est aussi Amtsvorsteher des deux villages. « Qu'est-ce qu'un Amtsvorsteher ?» demande Anna imprudemment. « Non, certes, qu'elle éprouve la moindre curiosité à cet égard. Elle se sent lasse outre mesure. Sa pose languissante le dit assez. Mais le régisseur, lui, n'est pas du tout fatigué. Il aime le son de sa propre voix, se pique de bien parler et se lance avec une ardeur redoublée dans toutes les explications capables d'élucider la question, non sans examiner, tout en parlant, son interlocutrice. Elle s'est à demi détournée, car elle a déjà constaté que le coup d'Elvig avait plus de patience quand elle ne le regarde pas. Il peut donc à loisir noter son profil charmant, la ligne délicate du front et du nez, les courbes suaves de la bouche, du menton et du cou, l'ombre épaisse des cils sur la tendre blancheur de la joue, et dans la main blanche abandonnée sur la table, il pourrait lire, s'il les connaissait, tous les signes de l'énergie et du caractère, transparaissant en dépit de la fragile beauté des formes. Mais les observations du régisseur ne sont pas d'ordre esthétique. Il compare amèrement l'attitude d'Anna avec celle qu'il trouve d'habitude chez les femmes de son entourage, Madame Delvig, Madame Manske et autres, et cette comparaison est tout au détriment de sa jeune patronne. Certes, ces personnes, il le sait, sont d'une autre classe que Miss Estcourt. Et Delvig, qui a le sentiment de la hiérarchie, ne va pas jusqu'à attendre, d'une noble châtelaine, la déférence qu'il exige d'une simple bourgeoise. Mais une fois cette concession faite, la nouvelle maîtresse de Grindwald n'en demeure pas moins une femme. Et qu'est-ce qu'une femme, parée, dotée, titrée autant qu'on voudra, un être inférieur, destiné à obéir à l'homme, à l'honorer, et à le servir de tout son pouvoir, surtout quand cet homme se trouve être un personnage de valeur comme Delvig. Elle ne me fait même pas l'honneur de me regarder, pensait-il avec dépit, mais sans cesser de pérorer. Je me demande, se disait Anna pensive, s'il est possible d'allier une parfaite droiture avec un regard furtif. J'espère m'être fait comprendre, dit ici Delvig, sentant qu'il vient de conclure un résumé remarquable des fonctions de Monsieur de l'Homme, sorte de juge de paix local. Je crains bien que vous ne vous donniez là une peine inutile, dit-elle avec un sourire, mais je comprendrai mieux une autre fois. Naturlich, naturlich, dit l'autre, très froissé, faisant un secret commentaire sur l'inaptitude de toute créature du sexe féminin à saisir le moindre concept relatif aux choses de loi. Vous ne m'avez rien dit des animaux de la ferme, fait observer Anna, se rappelant les tendres et fréquentes allusions de feu Joachim à ses pourceaux. « Vous élevez, je crois, des porcs estimés ?»« Des pourceaux !» répéta Delvig, passant subitement de la voix des affaires à l'accent du plus brûlant enthousiasme. « Des porcs comparables à ceux que possède actuellement la gracieuse Miss. Je défie qu'on les trouve sur tout le territoire. Que mes saucisses viennent toutes et exclusivement des porcs élevés à Kleinwalde par mon ami Delvig. Ce sont les paroles textuelles que prononça Monsieur le Président l'hiver dernier quand vint le moment de tuer ces animaux gras. Et je puis vous dire que Madame la Présidente reçut en ces circonstances un fameux soufflet, car elle-même a ses élèves qu'elle soigne et qu'elle engraisse, et qui ne sont point méprisables, mais rien, rien, qui se puisse comparer aux nôtres. Nous n'avons pas d'enfants, poursuit le régisseur avec un regard de pieuse résignation vers le ciel, mais tous les instincts maternels de Madame Delvig ont trouvé ample satisfaction dans les soins incessants qu'elle prodigue à ces bêtes admirables. Elle ne peut supporter leurs cris quand on les saigne et se retire en ces occasions à la cave où elle prépare le hachis. La gracieuse Miss a d'ailleurs goûté aux côtelettes d'un de ses porcs. On l'a tué tout exprès pour elle, ajoute Delvig galamment. Fille, l'horreur, s'écrie la jeune fille révoltée, puis voyant la consternation se peindre sur le visage de l'autre. Je voulais dire, corrige-t-elle, qu'il est inutile désormais de tout, et pour moi, je n'aime pas le porc. À cette déclaration, Delvig demeura un instant sans parole et comme foudroyée. Jamais, dans toute sa vie déjà longue, il n'avait entendu rien d'aussi énorme, d'aussi subversif, d'aussi scandaleux. Il ne pouvait en croire le témoignage de ses oreilles. « Ai-je bien compris ? » demanda-t-il après un temps d'une voix sombre. « La gracieuse Miss n'aime pas le porc. Je ne puis le souffrir. » Il croisa les mains et fixa sur elle un œil stupéfié. Cette indifférence, ce dédain coupable pour un des présents les plus précieux que nous ait fait mère nature, lui coupait bras et jambes, le rendait muet. « Et quoi ? Est-ce que dans le corps d'un seul de ces animaux on ne trouve pas providentiellement réuni la plus grande variété de plaisirs qu'il soit donné ici-bas de goûter ? N'offre-t-il pas, en dehors des suprêmes délices du filet rôti, les joies solides des jambons, des saucisses, des lards et des boudins ? Son foie, manipulé avec discernement, ne peut-il rivaliser avec celui des oies de Strasbourg ? Sa cervelle n'est-elle pas une ressource inestimable pour le souper familial ? Son groin même, traité par une experte Hausfrau, ne peut-il convertir la soupe la plus plate en un mets digne des dieux ? En ce moment même, le filet de ce porc spécial, soigneusement mis à part, reposait dans un endroit frais pour être présenté en temps voulu à la châtelaine, laquelle, nourrie d'abord de ses côtelettes, devait, après avoir parcouru tous ses degrés d'excellence, arriver au point culminant de ses perfections avec le plat de Schweinbraten, rôti de porc, du jour de Pâques. Et elle était là, déclarant tranquillement qu'elle n'aimait pas le porc. Mais alors, où était son point vulnérable ? Comment la toucher, l'influencer, si elle demeurait insensible devant le plus puissant agent de bonheur qui fut à sa portée en ces lieux ? Car enfin, quel est le but de toute personne sensée ? Raisonnait l'intendant affolé. Gagner le plus d'argent possible afin de vivre le mieux possible. Qu'entend-on par bien vivre, sinon bien manger ? Et quel est le mets le plus délicat, sinon le porc ? Tout était bouleversé, le chaos s'annonçait. Ne venait-elle pas de lui dire avec un calme odieux qu'elle désirait expressément que rien ne fût tué en son nom ? Et au nom de qui tuerait-on alors ? Comment lui et sa femme s'arrangeraient-ils désormais pour voir sur leur table, avec la fréquence désirable, leurs mets favoris ? Comment traiteraient-ils leurs amis le dimanche ? Ah, le pauvre vieux maître ! Où était-il ? Il comprenait les choses, lui. Et si son regard était parfois plus pénétrant qu'on aurait souhaité, au moins mangeait-il son plat de porc comme un homme quand il descendait à Kleinwald. Jamais jusqu'à ce moment, Delvig n'avait si clairement compris combien il avait perdu. « Mein seliger Herr, mon pauvre maître, pourquoi nous avez-vous été ravis si tôt ? » s'écria-t-il, incapable de contenir l'expression de ses regrets. Anna le regarda surprise. Elle croyait que l'entretien roulait sur la viande de porc, et le voici soudain qui se mettait à pleurer son défunt maître. Mais malgré le défaut de transition de ce discours, elle en fut touchée, car il y avait dans les yeux faux de Delvig des larmes véritables. « Il a du cœur, se dit-elle, que j'étais injuste, pauvre homme, voir une étrangère à la place d'un maître chéri, combien cela doit lui être pénible. » Elle se leva, impulsive, toujours prête à sympathiser avec un sentiment généreux, ou à consoler ceux qui étaient dans la peine, et d'un geste plein de grâce charitable, effleurant sa manche. « Moi aussi je l'aimais, dit-elle, et je sais ce que doivent être vos regrets. Mais nous tâcherons à nous deux de continuer sa tradition, de faire en toute chose ce qu'il aurait désiré. Ce sera, n'est-ce pas, la meilleure manière d'honorer sa mémoire ?» Elle aussi avait des larmes dans ses doux yeux. Delvig la regarda hébétée. Et lorsqu'un peu plus tard il retrouva sa femme empressée et curieuse de connaître ses impressions sur la nouvelle venue, il n'eut pour toutes ses questions qu'une réponse laconique. « Toquez !»